Saviez-vous que quelque part sur la planète, surtout à Québec, il y a quelqu'un qui adorait Sergio Leone? Et puis ben, malheureusement, notre Sergio de Western préféré est décédé il y a quelques années. Et le mec qui espionnait toutes ses œuvres, qui les décortiquait, qui les analysait, qui en regardait la structure, souhaitait cette mort-là. C'est quand même assez incroyable. C'est vraiment là, c'est de très bas étage, même il restait dans un sous-sol et il s'appelait Sergio Leone. Mais à l'origine, il s'appelait pas Sergio Leone, il s'appelait René Levageois. René Levageois, là, c'était un pauvre monsieur qui avait étudié en cinéma puis qui n'avait pas connu les grands succès et à l'université. Et à un moment donné, ben il s'est dit, faudrait que je me prenne un idole. Alfred Hitchcock, ben là, c'était trop dépassé pour lui parce que c'était du suspense, du thriller. Puis il s'est dit, non, mais moi c'est le western. Je me sens bien dans boucan, dans fumée, dans terre, là, dans les chevaux. J'aime bien voir ça courir, ces animaux-là. Ça me fait penser à la liberté absolue, à quelque chose que je ne peux franchir qu'à travers le cinéma. Ouais, fait que il pouvait pas prendre la tranche de Sergio Leone parce qu'il était toujours vivant. Mais là, il en a profité pendant ce temps-là pour peaufiner le grand artiste qui était Sergio Leone. La trame sonore, la trame narrative, les scénarios, les plans de caméra, les gros plans des yeux en widescreen, en panoramique. Et là, il s'est dit, puis la musique à bouche. Je fais très mal la musique à bouche, excusez-moi. Je suis plutôt un verbomoteur. Mais comme là-dedans, il n'y a pas de moteur à part les chevaux, puis je fonctionne pas en bas de 20 chevaux. Moi, là, hey, à part de ça, là, deux, trois juments, pas de chevaux. Mais mon ami Sergio Leone, parce qu'il s'est offert ce nom-là, quand il s'est lancé dans la, comment dire, dans la BD, le BDisme, il a voulu faire des bandes dessinées western qui n'ont pas très bien fonctionné. Mais là, quand il a appris, lors de son troisième lancement qui s'appelait Western sans définition, il lui-même cherchait une avenue, Sergio meurt. Le vrai. Là, le, il était une fois dans l'Ouest, il était une fois dans l'Est, il était une fois dans le Nord. De toutes les œuvres de Sergio Leone, mon nom est personne. Non, c'est pas Sergio Leone, ça. Ça, c'est Ticu Boudreau. Ah, bon, de Ticu Boudreau qui a fait ça. C'était avec, comment, Bird Spencer. Non, c'est Bon Spencer. Bon Spencer. Et puis là, mon ami Sergio Leone en a profité pour rentrer dans l'avenue cinématographique avec les grands noms. Puis là, il a fait son film que vous connaissez sans doute, hein? Oui. L'homme à la boucane. Vous avez jamais vu ça, hein? Madame Tremblay? Ben, l'homme à la boucane, non, j'ai vu... mon nom est personne. Non, c'est l'homme et la boucane. L'homme et la boucane, ça me dit pas grand-chose, mais qu'est-ce qui se passait là-dedans? C'est un beau peplum. Peplum western. Ben là, peplum western, ça se peut pas, là. Ben oui. Dans son cas, là, ça se pouvait parce que tout était dans l'œil de Sergio Leone et rien n'était erroné. Packetville, Packetville, tu peux bien dormir tranquille. Il voulait demander à Edith Butler de jouer dans ce film-là, mais elle était déjà dans... Oh, elle était déjà à Packetville! Puis ça se passait pas à Packetville, ça, là. Le Packetman voulait partir dans le Grand Nord pour filmer un western. Ça a pas de bon sens, ça a pas de... On voit pas le succès. Yahoo! Packetville, Packetville, tu peux bien dormir tranquille. Packetville, Packetville, tu peux bien dormir tranquille. Mais là, avec cette idée-là d'aller dans le Grand Nord, puis de faire, au lieu d'amener du sable, il amène de la neige, lui. C'est le nouveau genre, parce qu'il voulait pas copier sur son héros. Sur la pierre angulaire qui lui servait de motivation, son maître. Comme disait Ferré, Dino ni maître. Non, c'est pas Dino ni maître, c'est ni Dieu ni maître. Ouais, mais lui, c'est Dino ni maître. Il voulait lancer un nouveau genre de western, un western du Nord. Ouais. Ça, le box-office. Comment ça, qu'est-ce qu'il a, lui? Ben, le box-office. Ben, le box-office, il a pas été invité, je sais pas, c'est un comédien, lui, là. Il jouait pas dans le pour les films pour nos enfants. Non, mais le box office, pour faire de l'argent, là, sinon il fera pas d'autres films. Ah non, mais c'est son seul, parce que... Sergio Leone est mort. Ben voyons donc, il est mort où? Il est mort au Grand Nord. Ben, hey, c'est impossible. Après la fin de son film. Ben oui, parce qu'il faisait du montage à l'extérieur dans une tente. Il faisait moins 48. Ben, pas calme. Sur mon sommaire là, de Sergio Leone, c'est écrit moins 50. Il mourut à moins 50. Ah non. Il agonisut à moins 48. Il est mort à moins 48. Puis ça s'est jamais rendu à moins 50. Ça, là, il est mort avant. Oh, c'est en plein montage, ben oui. Là, il y avait la pellicule, hein. Les doigts lui avaient congelé. Il pouvait pas défaire la pellicule. Il regardait toujours la même scène. Puis là, on est... Il a figé, là. Ben, il est mort. Ben, il est mort de sa belle mort. Comment ça, de sa belle mort? Il a jamais vu le film? Ben, oui, parce que posthume, hein. Posthume, ça, c'est sa femme. Posthume, c'est toujours dit, hey, il y a quelque chose à faire avec ça. Il y a de l'argent à faire avec un zéro comme ça. Fait qu'on va finir l'œuvre, puis on va dire qu'il est mort avant, là, hein, pour amener les gens déjà en pleurs. Puis, même si le film est pas bon, est pas réussi, le fait de savoir qu'il n'existe plus, ça donne une petite cote de plus. Ben voyons, donc ça c'est joué avec les sentiments du monde, c'est pas... Le septième art, regarde pas ça. Ben, hey, regarde que ça, hein, ça joue avec toute l'émotivité, là. Regarde-moi ça, je vais te nommer des films. Ah, non, nomme-moi-en pas, moi, là. Juste m'en dire deux, trois, ça me mêle, OK. Mais Sergio Leone, là, avec son film du Nord, a fait un grand succès. Regardez sur Internet, là, sur des réseaux Internet, là. Hein, regardez Sergio Leone, comment t'écris ça? S-E-R-G-I-O, ouais, Leone. L-E-R-R-O-R-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N- des extraits cinématographiques, vous allez pleurer. Puis grâce à moi, vous l'aurez connu aujourd'hui, le 31, avant la transition. Parce que, allez voir ça, il paraît que le site va sauter. C'est des backers, des laqueurs, des arnaqueurs qui ne veulent plus entendre parler de lui. Parce que vraiment, dans l'univers cinématographique, c'est une nébuleuse. Ah ben ça, on n'aime pas ça, les nébuleuses, parce que ça cache. Et puis surtout, ça fait absolument rien voir. Ben non, mais quand ça cache, ça fait rien voir. In ice der A, in ice. Sie haut à minuit, wo ein mir gut skado. Sie pense in ice der A, sie dann le Père Noël. Sie pense que c'est Noël. C'est pas un de donner des becs à ma tante que des grosses moustaches. C'est mis une petite dent en dessous de mon oreiller. Demain je vais acheter des cadeaux pour mes nouveaux jouets. J'ai hâte de manger la farce du gros moineau. J'ai hâte de jouer à bouteille avec ma cousine Claire. M'en la voir, le dernier disque des frères Bras. Sous l'arbre de Noël, avec les petites boules puis les lumières. Il neige dans le garage. Je pense que c'est Noël, j'attends la grande visite. Je pense qu'il neige encore. Mon père veut que j'aille bêler. Mais moi j'ai pris des petites Smarties. Je vois toute la neige en couleur. Il neige dehors. C'est la bonne. Ça c'est Montréal. Ça c'est Sainte-Terre. Tu te rends d'abord à Sainte-Terre, puis de Sainte-Terre jusqu'au lac Mistaouic, et c'est en haut-là. Tu te rends en prison, tu ramasses le prisonnier, Rémi. Nommé Claude Lachance, 17 ans. Tu l'accroches solidement au poignet, puis tu le ramènes ici comme on est. Là, tes billets. Puis tes dépenses, 3 jours, 1 pièce 25, 3 pièces 75. Bon voyage. Puis joyeux Noël. Hein? Je prends le train. Jusqu'à Sainte-Terre, oui. Puis après. Puis après? Ça, c'est ton problème. Veux-tu que je fasse le voyage à ta place? Oh, non, non. J'entends une petite, là. Ah, ouais, non, cherche la prison. C'est ça, prison. La mairie, l'école aussi. La maîtresse est pas... En bas, petit maudit barrière, là-bas! C'est de Montréal pour les têtes. Allô, mon homme, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Oh, on avait hâte d'arriver, il faisait frais. Rentre donc, de ce que tu fais là? J'ai assez grandi, je ne reconnaissais pas. J'ai hâte d'attendre que tu vois. J'attends un jeune niaiseux de Montréal, je vais vous chercher mon prisonnier. Là. Après ça, on part. Votre temps, t'as... C'est moi, jeune niaiseux. Ouais, ce sera pas long, les filles. Là. Venez. Viens donc. Je vais te donner rien qu'un conseil. Allez-y, jamais une minute. Pas pour manger, pour prendre la toilette, pour rien. Surtout, laisse-toi pas prendre par ses beaux yeux, hein. Je viens chercher un de nos amis, Claude Lachance. C'est elle. Elle parle pas, elle mange pas, elle dort pas. Je pense rien qu'à se sauver. Pour moi, ça dans le sens, ça n'a pas de bon sens. Ton gars de Montréal est arrivé, t'en vas pour le temps, c'est content? Ouais, lève-toi. Ouais, donne ta main. Là. Ouais, ouais. Tiens, ses effets personnels, c'est pas grand-chose. On rouge à lèvres, c'est cigarette. Vous savez, Lise est au restaurant à cause de la petite butte là-bas. Bon, ben, joyeux Noël. Bon voyage. Jamais à croire qu'elle a fait quelque chose de croche. Regardez-la! In a little cafe just the other side of the border, she was just sitting there giving me looks that made my mouth water. So I started walking her way. She belonged to that man Jose. And I knew, yes, I knew I should leave. Then I heard her say, come a little bit closer, you're my kind of man, so big and so strong. Come a little bit closer, I'm all alone, and the night is so long. So we started to dance in my arms, she felt so inviting. And I couldn't resist just a one little kiss, so exciting. And I heard the guitar player say, Vamonos, Jose's on his way. Then I knew, yes, I knew I should run. But then I heard her say, come a little bit closer, you're my kind of man, so big and so strong. Come a little bit closer, I'm all alone, and the night is so long. Cafe was empty. Then I heard Jose say, man, you know you're in trouble plenty. So I dropped my drink from my hand, and from a window I ran. And as I rode away, I could hear her say to Jose, you're my kind of man, so big and so strong. Come a little bit closer, I'm all alone, and the night is so long. cada mañana estoy quebrado y por las noches me despierto. Lágrimas en mi cara abajo de la lluvia. Lonely with my pride, holding in my pain. Demasiado corazón, demasiado corazón, demasiado corazón, demasiado corazón. Down bitch. saw my baby walking with another man today. Well, I saw my baby walking with another man today. Now when I ask her what's the matter, this is what I heard her say. I'll see you later, alligator. Well, after a while, crocodile. Style. Well, when I thought of what she told me, I nearly made me lose my head. But when I thought of what she told me, I nearly made me lose my head. Well, the next time that I saw her, reminded her of what she said. I'll see you later, alligator. Well, after a while, crocodile. Go. She said, I'm sorry, pretty daddy, I know you mean it just for play. She said, I'm sorry, pretty daddy, I know you mean it just for play. I'll see you later, alligator. Well, after a while, crocodile. I'll see you later, alligator. Farewell. So long. Goodbye. CKRL, cultive tes goûts. Allô? Georgette? C'est... Georgette? C'est... C'est... Non, mais... Au téléphone... Y'a pas de... Ah oui? Hey, des gens attendent ça, là, depuis le début, mais... Oui, mais... Tu m'écoutes de... Comment ça? Ouais! Hey! Ouais! Ouais, mais là, j'ai... OK! Ben... OK! Hey, c'est bon, ça. Georgette, c'est... Ta mère. Laisse-moi pas... Ouais. OK. Non, mais c'est... On peut pas attendre. Il y a juste moi qui... C'est pas ça que... Les gens vont dire que... Georgette! Ma belle Georgette! C'est le temps de te dire que je t'aime beaucoup. Je t'embrasse sur les deux bajoux. En dessous, en douette, père de vie. C'est trois étages de bajoux. T'as trois étages, toi. Ben oui. Ben oui! C'est là. Non, je peux pas. C'est assez. Je fais de la... C'est une nuit. Hey, laisse-moi parler, toi, là! Premièrement, les gens! C'est... Oui! Genre, je... Mais ce que... Je peux... C'est... Laisse-moi parler! C'est le bon! Y'a vite! Hey, là, les gens vont dire que j'ai un propos des... Oui! Oui! Oui! Oui! Oui! Pardon? Non! Oui! Non! Oui, je sais... Mais laisse-moi Genre, je crois que je dois Je fais une émission. C'est tandis. Il y a pas de mi... On peut pas attendre. De quoi j'ai l'air, moi? Georgette! Bon, là, laisse-moi te dire des affaires, là. Premièrement, là, tu peux pas... On t'entend pas. Ah oui. Bon. Mais là, les gens savent pas ce que tu dis, pis là, j'ai là... Ouais. 207. Brasse-les pas trop. Coupe-les. Mais là, c'est ça. Bon. Genre... Oui, ben oui, ça va... Oui, les enfants, il y en a... Non, bon... Les as-tu coupés en... Mais fais le marine. Bon, c'est ça. OK. Hey, Georgette! Je t'appelais juste pour te souhaiter une bonne fin de soirée. Oui! T'es en train de pleurer? Ah non, tu... Ben voyons, non, c'est pas du champ... Si tu peux venir, man, je vais en boire une... Si tu... Bon! T'as pas de voiture... T'as pas de permis. T'as pas... Bon, ton mari, t'as... Bon. Mais, Georgette, tu t'en vas... Hé, hey, veux-tu me laisser parler? Premièrement, les gens t'entendent pas. J'ai l'air d'un insignifiant. Tu me coupes la boucle. Bon, arrête donc. Pleure pas, là. Je suis pas de bonne... Je suis de bonne humeur. comme... Non, j'allais dire je suis pas de bonne humeur, mais je suis devenu de bonne humeur en disant que je l'étais pas. Ben, ouais, je suis comme ça, moi. Ben voyons donc. Hey, il est 20! Ouais! Coupe-moi pas! Laisse-moi aller! C'est pas grave si les gens t'entendent pas. Ils vont me croire. Bon. Moi, là, je suis solvable, moi, là. Moi, c'est Renate Gagné. Comment ça, je suis pas solvable? J'ai l'air d'une espèce... Mon émission, c'est de la... Ben ouais! Georgette! C'est Renate! Hey! Comment ça, ça vaut pas de la... Depuis... T'es en train... Mais c'est pas la bonne station, tu s'intonises, ma belle. Voyons donc, c'est le 89.1 CKRL. Là, t'étais... Ben voyons, c'est ça. Bon, non, moi, j'ai jamais... Non, j'ai pas lu de chapelet. Ben, pas encore, là. Mais ça s'en vient, ça s'en vient. Hey, les gens! Georgette, est-ce que je peux... Je te raccroche la... Je t'embrasse. Bon. Sur les 6 bajoux, les 3 mentons. Amen, ainsi soit-il. Bon, OK, t'es à la même station. OK, assis, je te remercie, oh Dieu, le Père, le Fils et le Fait. Hein? Je suis pas en train de me moquer. C'est pas parce que... Non, mais tu vois pas. OK, salut, Georgette. Bon, hey, les gens attendent ça depuis le début. Ce qu'ils veulent voir, là, c'est un homme, voyons, adore. Un gamin, c'est moi ça, un gamin, pas un homme, un gamin. Hey, un gars, comment, un Peter Pan, marche Peter Pan. T'es qui toi, malheur champion? Moi, je suis un Peter Pan. Ok, arrête de le dire. On dirait que t'es crinqué à la muse. Oh, le groupe, non, la muse, là. Ah, mon dos, moi, j'ai la muse qui glogote. Alors donc, les gens s'attendent. Moi, Peter Pan! J'aime ça dire ça. J'ai-tu le droit encore une deuxième fois? Ben, ça fait 53 fois que tu le dis. Ben, voyons donc! Hey! Oh! Swing! Oh! Oh! Swing! Oh! Swing! Oh! Swing! Oh! Swing! Oh! Swing! Oh! Swing! Oh! Swing! Oh! Swing! Oh! Swing! Oh! Swing! Oh! Swing! Oh! Swing! Oh! Swing! Oh! Swing! Oh! Swing! Oh! Swing! Oh! Swing! Oh! Swing! Oh! Swing! Oh! Swing! Oh! Swing! Oh! Swing! Oh! Swing! Oh! Swing! Oh! Swing! Oh! Swing! Oh! Swing! Oh! Swing! Oh! Swing! Oh! Swing! Oh! Swing! Oh! Swing! Oh! Swing! Oh! Swing! Oh! Swing! Oh! Swing! Oh! Swing! Oh! Swing! Oh! Swing! Oh! Swing! Oh! Swing! Oh! Swing! Oh! Swing! Oh! Swing! Oh! Swing! Oh! Swing! Oh! Swing! Oh! Swing! Oh! Edith, là, je connais quelqu'un qui est très, très, très, très triste. Parce que je l'ai pas fait jouer à sa juste valeur. C'est Annie Cordy, ma belle Annie, je te laisse la place. Ah, ta yo-yo, qu'est-ce qui marche sur ton grand chapeau? Qu'est-ce qu'il y a sur ton grand chapeau? Ta yo-yo, dans ma tête, il y a des tas d'oiseaux, des petits oiseaux, des gros oiseaux. Ta yo-yo, on m'a dit, il y a maman grelot. Un grelot? Oh! Mais moi, je ne sais pas. J'aime ça aussi. Quand ça fait guilin-guilin comme le samba. Mon vieux chapeau, ma robe à fleurs, et mon mugot, mon parasol, Annie, et mes fossiles, Annie, et une boussole, sur mon nombril. Attention. Les Brésiliens m'ont surnommé la folle de Rio, folle mais de les enfants me donnent un nom plus rigolo. C'est quoi? Les oiseaux de Saint-Exupéry. Ta-ta, yo-yo, on a dit qu'il y en a un autre d'oiseau. Mais moi, j'aime ça quand ça fait ding-ding-ding-ding comme une samba. Là, c'est pas la samba qu'on va chanter, madame... madame, j'allais dire Robbie. Vous êtes comme Robbie, moi. Robbie, Alice. Bon, non, mais les gens attendent ça depuis le début. Je vais maintenant marcher sur les mains. Ben voyons, ben oui, ils se disaient, c'est une émission extraordinaire, ils font de la publicité à CKRL depuis 5 ans, sur la fin de 2010, salut 2011, voyons donc. 5 ans, oui, il me semble que ta boussole, déboussolée, j'ai toujours été déboussolée, c'est Gertrude qui m'a appris ça. En faisant quoi? Ben en faisant des tarots, hein. Elle m'a dit que ma vie était comme ça, puis, oh, là, la musique sort un peu d'une manière ridicule, très ridicule. On va, ok, on y va. Alors, je marchais. Est-ce qu'on peut mettre le son, l'accent là-dessus? Baisse-toi. Baisse-toi et marche. T'as l'air insignifiant, là. Comme d'habitude. C'est pas grave. Hein, m'entendez-vous? Entendez-vous la musique? Ah, non, non. OK, on y va comme ça. Comment ça, t'as pas branché ça sur une console? Console. Non, non. Console-toi, c'est pas ça. Mais console pas, j'ai rien à pleurer. Ben, OK. Alors, je marchais seul devant la sentinelle. Oh! Ma semelle collait. Collait où? Au sol. Oh, où était gobelet? Gobelet? Ben là, ça fonctionne pas parce que le micro est pas d'une manière radiophonique. Ben voyons donc. C'est que depuis quand t'es rendu radiophonique, c'est vrai. Mais je montre tout ça. Ah voilà, là vous entendez absolument rien, mais c'est merveilleux. Alors, oui, ça... On marchait seul devant l'éternel. Je pousse ça. Ah, oh, ça donne... c'est bon, ça donne bon, hein? Ça donne très bon, sonoriquement... Non, c'est sonoritairement... Comment? Sonoritairement, en tout cas, c'est là le niveau de la sonorisation. Tu connais rien là-dedans, toi, la sonorisation, à part Do-Ré-Mi, là. C'est vrai. C'est bon, hein? Ah, oh, c'est bon. T'aimes-tu ça? Ah, oh, j'aime ça. C'est bon, hein? C'est bon. Continus! Alors, je continue. Alors, je marchais comme ça, devant le zéro de l'infini. Lorsque Georges, au regard d'acier, frappa l'iris de mon regard ébaroussé. Ébaroussé? Hey, ça fait peur. Lorsque... C'est le... T'as entendu? Lorsque, lentement, un soir, ce soir... Les 23h, 5e et 23e seconde de mon existence m'arriva en pleine face. Oh. Hey, ça, c'est comme expérimental. Non, c'est plus mental qu'expérimental. Ça gagne-tu des points? Ça gagne absolument rien. Mon fils, tu as déjà 60 ans. Ta vieille maman sucre les fraises. On ne veut plus d'elle au trapèze. À toi de travailler, il serait temps. Moi, je veux jouer de l'hélicon. Dans notre petit cirque ambulant, il y a déjà un hélicon. Choisis donc plutôt d'être clown ou acrobate comme ta maman. Non, je veux jouer de l'hélicon. N'en parlons plus, mon mauvaise tête. Viens va donc voir la femme trompante, lui c'est haricot de mouton. Et maman, je ne veux pas que la trompette, je veux jouer de l'hélicon. Pou, pou, pou, pou. Mon fils, tu es bien polisson de te moquer de la femme tronc. La femme tronc qui est si bonne. Et maman, que m'importe les trombones, je veux jouer de l'hélicon. Pou, pou, pou, pou. Laissons donc cette femme tronc qui a pourtant un beau tuba et va trouver l'homme serpent. Tu pourras jouer avec au bois, pas du hautbois, de l'hélicon. Pou, pou, pou, pou. Eh bien, y a ton ami Ellie qui n'est pas très intelligent. Si tu veux, va jouer avec lui. Et maman, c'est pas ça le vrai instrument. Moi, je veux jouer de l'hélicon. Pou, pou, pou, pou. Ah, tu m'énerves. Ah, ça n'est trop. Tiens, pam, pam, pam, boum, toc, il tombe. Elle l'a tué à coup de marteau. Et l'on a fait graver dessus sa tombe. Il voulait jouer de l'hélicon. Pou, pou, pou, pou. Con. Il a du beau beau Léon, il porte un bandoléon. Il a du beau beau Léon, oh pauvre Léon. D'abord il s'appelle pas Léon, mais je me souviens plus de son nom. Je peux pourtant pas l'appeler Hortense. Et puis ça n'a pas d'importance. Il a du beau beau Léon, il va peut-être canner Léon. Il a du beau beau Léon, oh pauvre Léon. On l'a mené à l'hôpital pour le soigner où il avait mal. Il s'était fait mal dans la rue, mais on l'a soigné autre part et il est mort. Je t'avertis, si tu veux pas de trouble, fais-en un pas. Ah, oh, rien. Je me suis brûlé un peu, mais ça va mieux. M'en sac, moi. Mais le train vous attendra pas. Il part à moins 20. Pas à moins quart. À moins 20. Police municipale? Non, provinciale. Prêté au municipal. Québec? Montréal. Cette fille, as-tu fait quelque chose de grave? C'est drôle, une police qui lit. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, la vie des abeilles. Pourquoi je m'intéresserais pas aux hyménoptères, hein? Aux quoi? Aux hyménoptères. Une famille d'insectes qui comprend les abeilles, les guêpes, les gourdons. Dans la région, ici, personne lit, personne écrit. C'est tous des Polonais, des Russes, des Ukrainiens. Charge dans le village, je trouverai même pas trois livres. Comment tu veux qu'un gars fasse son métier? Les deux femmes aux États, ils dégonnent les mains. Elles préfèrent un roll-top. La même chose des hommes. Votre juif, tu sais. Pousse donc, toi, au lieu de rester planté là comme une souche. Non, tu sais, un bel habit de 14,95, un beau coup de 18 piastres, un beau chapeau, des beaux gants. Hey, ça me fait mal, ça, puis j'ai poigné ensemble, puis j'ai piégé. Qu'est-ce qui est marqué dans mon dossier? Je sais pas, je l'ai pas. Qu'est-ce que t'as fait? Sauter du troisième étage à l'orphelinat. C'est tout? Ben oui, mais sauvé. C'est tout? Ben oui, écoute, on pensait que j'ai volé une banque? Je suis dans la police, moi, je suis pas dans les scouts. Dis-le que je suis une voleuse? Pas dit ça. Non, mais tu le penses. Je te courrai sur le lit et je mêlerai mes membres. Oh, tiens, ma petite amie. cela ferons ensemble. Et je te prendrai la main comme un enfant pour descendre dans le ravin. Nous jouirons de nous surprendre, assignés, oui, c'est promis, et caresserons nos membres avec mépris. Regarderons en face nos deux pauvres corps meurtris, sans y voir en malice les faces, que le bon Dieu n'y soit ainsi. De l'émission, c'est de parler un peu des chansons. Là, c'était juste dire que c'est pas du tout mes paroles. C'est un poème de Georges Perros. Je vais être chiant, hein, mais c'est un Parisien en fait, hein, quand même. Mais qui est allé mourir à Douarnenez, donc c'est quand même plus chouette. Et il aimait beaucoup la motocyclette aussi. Voilà. Yeah. Merci. Ah, merci d'avoir fait le placement déjà. Ça te sauver d'un orphelinat. Pas manquer le train, pas manquer à mes amis nuit, pas manquer le réveillon. OK! OK, lâche! On a acheté un gros, un vrai, là. Les gros, ils sont plus gros, les gros sont plus gros. OK. Ouais. On va même manquer le jour d'un. Thank you. OK, ça marche. Tassez-vous. Laissez passer le monde. Hop, hop. OK, les autres, pas de presse. J'avais le temps en masse. Faut que j'aille à la toilette. Pas droit de te dépêcher. 53, d'accord. Oui, 26,65. On va se faire barber là. Le train va avoir 3-4 heures de retard. Ceux qui restent à Sainte-Terre, tournez-vous-en chez vous et revenez plus tard. Les autres. C'est ça. Femme... 2-3 brins de neige, puis flac, tout arrête. À New York, ils vendent 10-12 000 machines par jour. Vous vendez des machines à écrire? Ah, des dactylographes. Dactylo, doigt, grapho, c'est écrit avec les doigts. Ma vie est un long chemin sans fin. Et je ne sais pas très bien où je m'en vais. Je cherche dans les faubourgs et les villes. C'est dans l'espoir d'accomplir mon destin. Mille après mille, je suis triste. Mille après mille, je m'ennuie. Jour après jour sur la route. Tu ne peux pas savoir quand je t'aimais. Chaque mille que je parcours me semble inutile. Je cherche toujours sans rien trouver. Je vois ton visage qui me hante. Je me demande pourquoi je t'ai guidé. Mille après mille, je suis triste. Mille après mille, je m'ennuie. Jour après jour sur la route. Tu ne peux pas savoir quand je t'aimais. Un jour quand mes voyages ont repris fin et qu'au fond de moi j'aurais trouvé cette paix dont je sentais le besoin. À ce moment, je pourrais m'arrêter. Mille après mille, je suis triste. Mille après mille, je m'ennuie. Jour après jour sur la route. Tu ne peux pas savoir quand je peux t'aimer. Mille après mille, je suis triste. Mille après mille, je m'ennuie. Jour après jour sur la route. Tu ne peux pas savoir quand je peux t'aimer. Eh bien, Madame Huguette Santerre nous a appelé et elle voudrait entendre la chanson de Edith Butler, Paquetteville, mais elle m'a raconté un peu sa vie et je me suis dit que si je la relatais, Edith Butler, mais Huguette Santerre, si je relate bien son histoire, ben peut-être que je lui offrirai ce petit cadeau de Paquetteville d'Edith Butler. Mais je sais pas si elle est en forme, non pas Madame Santerre, mais Edith. Edith, oh oui, on va encore. Paquetteville, Paquetteville, tu peux bien dormir tranquille. Paquetteville, Paquetteville, tu peux bien dormir tranquille. Ok, on va la laisser un peu sur le feu. Donc, ça bouillonne. Nous avons mis nos macaronis, normalement 5 minutes, pour qu'elles soient al dente. Alors, Madame Huguette Santerre est sans reproche. C'est une navigatrice. Elle m'a fait pleurer. J'ai versé une larme. Je me suis rendu compte que c'était pas ça. C'était les gouttes pour mes yeux. Mais non, mais je suis un gars sensible. J'en rajoute des fois. Comment ça, de l'histoire? Non, ben, il y a de l'émotion. Et quand je vois que je me sens déshumanisé, là, je me rajoute des gouttes. Et ça fait beaucoup plus humaniste, les gens sont sincères, puis après ça, ils continuent à te raconter, puis tu sens que tu rentres là dans le côté humaniste des gens, donc tu peux pas feinter. Alors, Huguette Santerre est une navigatrice sans reproche qui a commencé quand même dans son bain avec un petit poussin qui ne faisait pas pout-pout, mais elle a rapidement connu le plaisir de la mer lorsque sa mère l'a amenée dans une chaloupe. Et elle est tombée à l'eau et elle a rencontré une sirène. Moi, que je jamais cru aux sirènes, là, à part Madame Tremblay, qui en a vu à un moment donné une soirée bien arrosée. Elle m'avait stipulé, mais elle voulait pas que je le dise à personne, donc je vous le dis pas, qu'elle avait rencontré une sirène aux longs cheveux. Et elle s'imaginait aussi que René Simard, qui chantait ce titre-là, il y a des années quand même, là, des années... quelle année? Tellement vieux qu'on se rappelle plus, il faut manger du poisson, mais pas de brochet, non. Et donc, Madame Santerre m'a dit que du bain, elle est tombée dans l'eau de cette chaloupe qui l'a fait tanguer et elle s'est lancée au large de l'avenir et elle a connu bien sûr un moussaillon. On va commencer relax parce qu'un moussaillon, ça c'est le premier. Après ça, ben tu gradues. Après avoir nettoyé la coque, après avoir épluché les pataques, ben tu deviens tu augmentes pour devenir un jour capitaine, comme le capitaine Bonhomme qui a fait quand même son école sur la Seine. Je sais pas pourquoi le lien entre la Seine et l'eau, mais il devait en avoir une puisque il s'est rendu très populaire dans les années tranquilles. Ben, pas si tranquille que ça, c'est les années 60-70. Et Huguette Santerre, c'est la première femme capitaine. Oui, mon colonel, la première femme capitaine, et puis donc elle était heureuse de pouvoir contrôler autant de marins, et c'était surtout des petits maringouins, parce que ils arrivaient vers elle, parce qu'elle est blanchâtre, puis surtout elle s'ajoute du parfum, donc ça attire le maringouin, et elle a voulu les taper, non pas les marins tout court, mais les maringouins, et elle en a tué quelques-uns, mais pas assez, parce que elle est devenue comme une sphère de, comment dire, est-ce qu'on peut dire de pu, non, une sphère, c'est pas très, très, très beau à dire, là, mais une sphère de quelque chose d'ignoble, et donc, elle a pompé, elle est montée comme une montgolfière en haut du ciel, et Huguette, elle était sans terre et sans reproche, mais elle a quitté la terre pour la première fois. Huguette sans terre l'a quittée. Ouais, mais là, quand t'es dans la terre... Non, sans terre et sans reproche. Donc, comme l'hélium. Ben, comme la... Oui, ben, pas vraiment, là, mais le... Comment t'appelles ça? Ben, l'hélium. Ouais, mais le ballon à l'hélium. Ouais, ou une poupée gonflable à l'hélium, ça, c'est une autre histoire. Ouais, mais si tu veux pratiquer l'équilibrisme, je te le conseille fortement. Tu peux, après ça, rentrer au Cirque du Soleil. Oh, c'est vrai. Mais je sais pas si les enfants aimeraient ça, voir un numéro, où quelqu'un essaie de monter une poupée gonflable, mais peut-être dans les soirées un peu plus underground, le Cirque du Soleil après minuit. Est-ce que c'est comme Gilbert Bécaud, ça là, le bain de minuit? Ben lui c'est de minuit, moi c'est après minuit. Ah, minuit et cinq, ben après minuit c'est minuit et cinq, oui, n'importe quelle heure, mais après l'heure fatidique. Ouais, mais là, tout change en citrouille, là. Si t'as un genre de carrousel, ça change en citrouille, oui. Ça, c'est certain. Puis, lorsque tu ne veux plus de cette fable ignoble, hein, c'est-tu assez incroyable, ces fables-là? Ça te raconte des bobards, et les petits-enfants y croient, mais plus ça grandit, bambi, à un moment donné, là, on n'y croit plus. C'est comme le Père Noël. Mais le Père Noël, ça existe quand même. Ça, c'est positif. Mais bambi, ah, mon Dieu, et l'éléphant volant, c'est pas la même chose, ça, là. Toi, je pense que tu mérites une petite récapitulation de Walt Disney. Ah, bon, non, je crois pas, là. Mais Pinocchio, lui, c'est le nez, OK? Puis Bambi, lui, elle, c'est les jambes, hein, elle glissait. Puis Dumbo, ça, c'est les oreilles. Ah, les oreilles, mon Dieu, j'en connais des Bambo. Ben, l'éléphant volant, Bambo Toco. Mais, hey, attention. Bambo. Avez-vous déjà vu Bambo danser le Bambo? Non, c'est le... Oui, hier au soir. Mais c'était pas à Saint-Dilon, c'était chez Carole. Oh mon Dieu, pas le bar. Non, il laisse pas rentrer Bambo dans le bar. Parce qu'il prend toute la place, hein, puis là, il nuit aux danseuses, puis les danseuses, elles vont se réhabiller, puis elles font pas une maudite scène. Ah, ben c'est vrai. Alors donc, faut pas que Bambo rentre dans ce genre de soirée-là. Mais c'était une soirée dansante. Oh. Comment un éléphant peut danser? Ben, premièrement, c'est un éléphant blanc, puisqu'il y avait personne, mais lorsque lui est rentré, tout le monde a voulu voir, c'était une foire. Ah, bon, doux. Comme toutes les foires. Non, tous les soirs. Tous les soirs, on aime voir la foire. Oui, et puis là, on s'effoire, hein, comme dans toutes les foires, et on regarde, hein, le clown. Non, mais c'est pas un clown, c'est un éléphant. Ouais, mais hey, avec la trompe qu'il y avait, là, toute la trompe rouge, j'avais attrapé une grippe, là. C'est pas une grippe, c'est une sinusite. Mais une sinusite d'éléphant, c'est pas comme une sinusite de genre humain, là. C'est pas Madame Trudeau là, qui est allergique au chat puis qui m'a dit Achoum. Elle se mouche Achoum. Bon, c'est pas ça, là. Hey, un éléphant, quand ça éternue, là, ça recule par en arrière et si tu t'ouvres juste là, le deuxième banc à l'arrière de l'éléphant, patao, c'est fini. T'es devenu une viande froide. et croyez-moi, s'il reste plus que 5 minutes, tu réchauffes. Donc, tu deviens une viande chaude. Ouais, mais si t'as pris... Est-ce que je peux commenter? Ben, commente, mon petit champion, commente. Mais si, avant que l'éléphant tombe vers... Ben, en fait, se recule vers toi parce qu'il prend comme un genre de swing. Oui, swing la maquette dans le fond d'un Ouattabois. Oh, yeah! Oh, yeah! Attention! Tu m'as tout gigué, tu m'as tout dansé. Tu peux bien dormir tranquille. Des beaux élevés, des bois coupés. Tu peux bien dormir tranquille. Et des mille carrés de poils à sucrer. Tu peux bien dormir tranquille. Tu m'as fasciné, tu m'as chaviré. Tu peux bien dormir tranquille. Tu m'as espéré, tu m'as fait rêver. Tu peux bien dormir tranquille. Alors, si tu te retrouves devant l'éléphant, mais en arrière, pis t'as déjà pris 3 ou 4 verres, tu sais, je sais pas, là, t'es dans l'ambiance, pis là, t'as le goût de d'écouter l'humoriste qui est en avant, mais malheureusement, un petit peu en arrière de l'humoriste, il y a cet éléphant-là. Fait que tu prends 2 ou 3 verres, pis là, il t'écrase. Ouais. Il t'écrase, ouais. Alors donc, est-ce que je deviens une viande froide ou une viande chaude? Parce que j'étais à l'origine un peu pauvrette. Ouais, tu deviens une viande, quelque chose de pas comestible là, quand on te regarde. Ouais, mais là, alors est-ce que je suis froide? Tu te sens-tu morte? Mais je me sens mort, moi, là. Je suis tellement épuisé. Mais écoute, on va te donner un petit peu d'énergie. Packetville, tu peux bien dormir tranquille. Packetville, tu peux bien dormir tranquille. Swing la baguette, l'enfant de bonne amour, vite la balouette, la sonde à voix. Wow! Ça, c'est du piano, ça. Ah, mon Dieu, c'est André Gagnon. C'est beau, c'est beau, c'est beau, tu peux bien dormir tranquille. Ramasser le ciel, c'est pas un pack. Tu peux bien dormir tranquille. T'es super body, t'es super nantré. Tu peux bien dormir tranquille. Tes enfants reviennent de s'en aller. Tu peux bien dormir tranquille. Quoi? Maintenant, c'est le silence. C'est maîtrisé de main. Non, c'est demain. Demain, c'est un autre jour, mais la main, c'est maintenant.